Pacifique, Chubahiro. Bonjour et bienvenue à tous à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Après un accord entre le Burundi et la Tanzanie ainsi que l'OACR, certains Burundais qui étaient en exil en Tanzanie sont attendus au Burundi. C'est l'Oterase Dahiraja, assistant du ministre de l'Intérieur. Le premier convoi est attendu cette semaine. Plus de 1000 orphelins et enfants vulnérables de la province de Mwaro ont obtenu un kit scolaire grâce à la solidarité communautaire initiée par l'ONG RVS Amad. Notre correspondant Laurent Dikourio nous fera le point sur cette aide. Le gouverneur de la province de Lumonge appelle les investisseurs à venir travailler dans le domaine de la pêche qui utilise encore des techniques rudimentaires. Voici les principaux titres de ce journal mis à nom de par Jean de Dieu Naïsing. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour et bienvenue à ce journal. 5 bombes pour le mortier 60, une grenade de plus de 800 cartouches. Telles sont les armes qui ont été découvertes dans différents endroits au cours de ce mois d'août dans la province de Bubanza. Le représentant de la Commission permanente de lutte contre les armes légères et de petit calibre dans cette province appelle la population encore détentrice des armes de les remettre volontairement pour ne pas s'exposer aux sanctions. 3 personnes ont été arrêtées samedi par la police dans la province de Luyigi. Selon le porte-parole de la police, Pierre Mulquier, ces personnes sont suspectées d'être à l'origine du feu de brousse qui s'est déclaré sur la colline Lukaragata en commune de Luyigi. Le porte-parole de la police indique que ces personnes ont reconnu les faits. Les 3 suspects ont indiqué néanmoins qu'ils étaient en train de brûler de l'herbe dans un champ. Pierre Mulquier indique que les enquêtes sont en cours. Lors d'une tripartite Burundi ACR Tanzanie qui s'est tenue fin août à Dar es Salaam, l'on s'est convenu que le premier convoi de réfugiés burundais arrive dans une semaine. Selon Terence Nahiraja, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de son ministère, affirme que le Burundi est prêt pour accueillir ces Burundais de retour au pays. Suivez-le. Au cours de cette semaine et que nous allons clôturer aujourd'hui, il s'est tenu à Dar es Salaam une tripartite qui, bien entendu, regroupe les représentants du gouvernement tanzanien, les représentants du gouvernement burundais et les représentants du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle. La réunion a été clôturée, bien entendu, le 31 par les deux ministres, en l'occurrence celui de l'intérieur tanzanien et celui de notre pays. Il se rendit que dans un délai dépassant pas une semaine, il faut déjà que le premier convoi du Burundi qui veut rentre au pays, arrive et à ce qui concerne bien entendu le recueil, il n'y a aucun problème qui se pose dans la mesure où M. le Burundi qui se donne ce cas en Tanzanie vient de quitter le Burundi dernièrement en 2015 et comme vous l'avez toujours suivi, le chef de l'État a décidé de protéger les biens et les propriétés foncières de cette personne. Un délai d'une semaine pour que le premier convoi puisse arriver sur le sol burundais, est-ce que ce premier convoi concernera les réfugiés qui sont en Douta ou dans d'autres camps? Est-ce que c'est quand vont fermer définitivement? Si vous dites qu'on va fermer définitivement, effectivement, vous savez que le rapatriement est un processus. Et comme vous le savez, selon bien entendu les droits de l'homme, selon également la réglementation en vigueur, un réfugié rentre quand il le veut, quand il prend une décision lui-même dans son cœur. Eh bien, comme il s'agit d'un processus, aussitôt que dans tel ou tel autre cas de réfugié, tout le monde décidera de rentrer et de venir, le cas pourra être fermé. Mais là où il y aura encore une fois, déjà qu'il ne rentre pas, le cas ne peut pas être fermé, à moins qu'ils aillent de la force, ce qui est contrairement à la loi. À part le centre de transit qui est situé en province Makamba, est-ce que le Burundi est en train de préparer d'autres camps de transit? Déjà ici à Kajaga, il y a notre cas de transit pour ce qui est de la RDC. Nous avons déjà d'ailleurs accueilli au premier convoi, comme vous l'avez toujours suivi. Si besoin il y a, on pourra exiger à notre encore peut-être à Luigi ou bien à Kirundo, au cas où ceux qui sont au Rwanda décideraient justement de venir, ce n'est pas un problème. Lors de cette tripartite de fin août à Dar es Salaam en Tanzanie, est-ce que vous vous êtes convenu sur un délai accordé à ces réfugiés pour un retour dans leur pays? Bon, pour le gouvernement burundais, nous fatiguons que tout le le monde rentre sans condition aucune parce qu'il y a de la paix. Mais comme la loi exige, rentre au pays ce qu'il veut, eh bien, on ne peut pas définir à eux, mais c'est un processus où c'est toi qui le décidera. Nous, c'est notre souhait. C'est toi qui veux avoir des réfugiés, nous pensons que les camps seront toujours là, mais nous leur demandons vraiment de décider de venir construire le pays et bien entendu de se préparer avec les autres aux élections de 2020. Certaines voix se sont levées, le HCR est quelquefois une entrave au rapatriement des réfugiés burundais. Lors de cette tripartite, qu'en dit le HCR et qu'est-ce que vous dites du côté du Burundi? Au niveau du Burundi, demandons que les droits des Burundais soient respectés. Le HCR aussi voudrait que soient respectés. S'il y a eu quelques dérapages, effectivement, ça a lié. Je fais un exemple au cas de Douta, au cas où il y avait environ 15 000 personnes qui se sont fait arrêter pour rentrer. Il y a eu un terrorisme qui s'est fait au niveau du camp. On leur demandait de signer un acte d'engagement pour qu'ils viennent. C'est une terreur. Terence Nahiraja, assistant du ministre de l'Intérieur, porte-parole de son ministère, était au micro de Mireille Kanyang. À 13h passées de 4 minutes dans nos studios, poursuivons ce journal par les nouvelles de la province. Rendons-nous à Mwaro. Plus de 1000 orphelins et enfants vulnérables de la province de Mwaro ont reçu il y a une semaine un kit scolaire grâce à l'argent collecté au sein du groupement encadré par la FVS Amad de Burundi. Cette approche de solidarité communautaire a été initiée par cette association il y a une année. Le matériel va aider certains enfants vulnérables de cette province de Mwaro qui éprouvent un des difficultés pour avoir du matériel scolaire à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Correspondance de Laurent Ndikuriyo. Dans la province Mwaro, 1032 orphelins et enfants vulnérables sont en train de recevoir un kit de matériel scolaire constitué de cahiers et stylos dans une campagne de l'ONG FVS Amad Burundi qui a commencé le 25 août et se clôture ce 3 septembre 2017. Selon Jean-Marie Rambona, représentant de la FVS Amad Burundi en province Mwaro, depuis une année, les membres des groupements de solidarité qui l'encadrent cotisent de l'argent qui est utilisé pour assister les orphelins et enfants vulnérables de leur localité à côté de la caisse de solidarité et la caisse où les membres empruntent de l'argent pour certains projets qu'ils remboursent à un taux de 5%. Selon ce représentant de la FVS Burundi en province Mwaro, cette nouvelle approche dénommée Nawenose rentre dans la logique du passage de l'humanitaire à l'autoprise en charge des orphelins et enfants vulnérables par la communauté. Comme l'union fait la force, les membres de chaque groupement cotisent une somme de 100 francs ou même plus selon un règlement d'ordre d'intérêt de chaque groupement. Cette somme sert après une année pour acheter ce kit scolaire. Selon certains de ces orphelins enfants vulnérables, ils éprouvaient avant un problème pour se procurer de ces matériels. Par exemple, Nikiza Regis, un élève de la 8e année à l'école fondamentale d'Ogasanda en commune Kayokwe, qui a reçu 10 cahiers ce vendredi dans ce cadre, a indiqué qu'il lui était difficile d'avoir ce matériel car il est orphelin de père. Il précise que certains de ses enfants quittent l'école par manque de cahiers. Certains parents disent que des fois, les cahiers donnés par le ministère de tutelle arrivent quand le trimestre a déjà commencé. D'autres précisent que certains écoliers et élèves essayent d'habitude de chercher l'argent pour s'acheter ces matériels en fabriquant des briques ou tuiles ou en extrayant le sable. Il précise que cela est aujourd'hui difficile car on doit payer de l'argent pour avoir l'autorisation d'exploiter ces matériaux. Merci Laurent Ndikuriyo. Je vous le disais au début de ce journal, 5 bombes pour le mortier 60, une grenade et plus de 800 cartouches. Telles sont les armes qui ont été découvertes dans différents endroits au cours de ce mois d'août dans la province de Bubanza. Le représentant de la commission permanente de lutte contre les armes légères et de petit calibre dans cette province appelle la population encore détentrice des armes de les remettre volontairement pour ne pas s'exposer aux sanctions. Depuis Bubanza, les détails avec notre correspondante SPS Caritas Kabanyan. En date du 19 août dernier, sur la colline Rubira, en commune Manda, 5 bombes de type mortier 60, un fusil de type Kalachnikov et son chargeur, ainsi que 30 cartouches, ont été trouvées enterrées dans un champ d'un certain Élysée, comme le disent les habitants de cette colline. Ces armes ont été récupérées par les forces d'ordre selon la même source. Dans la même commune de Manda, sur la colline Murengeza, une grenade a été également trouvée dans un champ. À Muramba, c'est dans la commune de Bubanza, 874 cartouches un canot de fusil de type Fal ont été trouvés aussi enterrés dans un champ de manioc. En plus de ces armes trouvées au cours de ce mois d'août, d'autres ont coûté la vie aux citoyens, comme par exemple un habitant de Rugeyo en commune Musigati qui a été tué par des inconnus qui ont lancé deux grenades dans la chambre où il dormait. Emmanuel Nahondereye, représentant de la commission permanente de lutte contre les armes légères et de petit calibre dans cette province de Bouvanza, appelle tous ceux qui détiennent encore les armes de les remettre à volonté, sinon qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi une fois que ces armes seront saisies. Spes Caritas Kabanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Rendons-nous à présent dans la province de Lumonge. La pêche dans le lac Tanganyika utilise des techniques simples, ce qui fait que la production reste relative. Le gouverneur de la province de Lumonge, Juvenal Bigirimana, qui affirme cet état des faits, appelle les hommes d'affaires à investir dans ce domaine et de s'inspirer de l'expérience d'ailleurs afin de rehausser la production des poissons pêchés au Burundi. Je vous propose de l'écouter. Nous avons des moyens et des capacités encore très limitées dans le domaine de la pêche. Le lac Tanganyika regorge beaucoup de poissons. À considérer la période de suspension de la pêche et qu'on analyse la quantité des poissons qui naissent, c'est beaucoup de poissons. Il est temps de faire une pêche moderne, car les Grecs, qui, dans le temps, pratiquaient la pêche moderne, sont partis chez eux. Nous utilisons de simples pirogues en bois avec des techniques simples. Il y a des poissons dans le lac que seul un homme ne peut pas soulever. Moi, je me dis parfois que ces poissons vieillissent et meurent d'eux-mêmes, car nous n'avons pas encore les techniques requises de les pêcher. Là, j'interpelle les hommes d'affaires de saisir cette opportunité et d'aller s'informer à l'étranger afin de s'enquérir de l'expérience d'ailleurs pour que nous ayons des poissons en quantité suffisante. Les poissons naissent en grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'on peut les épuiser. Il nous suffit de protéger leurs milliers de reproductions et les alevins. Puisqu'il y a des techniques modernes, il y a également des filets modernes qui attrapent les poissons reconnus par les standards internationaux. Les filets qui font le génocide des poissons ne sont pas reconnus. Ils peuvent, pour ce fait, utiliser les objets reconnus au niveau international. Ces objets peuvent servir pour attraper les poissons adultes. Ils sont en grande quantité. Ce qui nous manque, ce sont les techniques modernes de pêche. Le gouverneur de la province de Lumonge, Juvenal Bigirimana, est traduit en français par Medare Niyonkuru. Tout en continuant à parler économie, il est possible d'obtenir la farine prête à être consommée à partir du manioc cru en moins de 2 jours. Cette expérience est d'une unité de transformation de manioc de la commune de Bukemba en province de Lutana. Selon le technicien Jean-Claude Ndaikeza, cette unité de l'ONG Frosta Burundi va bientôt être cédée aux associations à leur charge comme leur patrimoine. Si Denio Mungele s'est rendu sur le lieu, son reportage. Cette unité de transformation de la farine est implantée sur l'axe Rutana-Gihofi aux environs de 20 km du chef-lieu de la province. Selon Jean-Claude Ndaikeza, la matière première à partir de laquelle est fabriquée cette farine est le manioc cru récolté par la population de Bukemba. La matière première que nous utilisons dans cette unité de transformation provient essentiellement des activités des agriculteurs locaux. Nous, il y a des agriculteurs qui sont à mesure d'acheminer leurs récoltes ici à notre unité de transformation. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas capables de nous procurer cette matière première. Et pour ces derniers, nous sommes obligés de chercher en déplacement pour aller prendre cette récolte. Après la collecte, un travail spécial d'épluchage prend place en gain de la population environnante qui tire profit. Nous devons faire un travail qui est plus ou moins particulier. On ne peut pas faire l'épluchage comme on le fait habituellement dans ces pratiques de Kambaranga. Non, on doit faire un épluchage qui est plus ou moins soigné, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir un produit fini, très fiable, c'est-à-dire qui est très propre. Le technicien en même temps agronome Jean-Claude Ndaikeza ajoutait qu'après, la transformation se poursuit dans un système de machines jusqu'à transformer le manioc dans une forme de pâte dans le but d'éliminer le cyanure. On passe au lavage de ces manioc et puis on l'achemine dans cette machine râpeuse. Après, on transporte le manioc de façon que ça devient comme une pâte. On met dans ces bacs à fermentation. Suivant la qualité ou bien la nature du manioc, il y a ceux qui doivent passer 24 heures ou bien 48 heures dans ces bacs de fermentation. C'est dans le but d'enlever le cyanure pour que cette farine ne peut pas être nuisible à la vie humaine. Selon lui, initial de séchage est disponible avant le travail de moulin pour faire sortir la farine prête à être consommée. On met dans cette machine, la machine pour extraire l'eau, c'est-à-dire l'eau, et après on le transporte dans cette salle, c'est-à-dire que c'est une salle de séchage, on l'appelle communément séchoir. Alors on achemine cette farine vers le moulin qui va faire sortir de la farine très fine. Aujourd'hui, cette farine est obtenue dans des emballages d'un kilo à 4 kg et cette unité de transformation connaît un problème majeur qui est le manque du courant électrique. Selon les responsables de cette unité de transformation, d'ici quelques jours, elle va être cédée aux associations encadrées par Foresta Burundi comme leur patrimoine dans le but de la continuité des travaux de transformation de la farine. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. 13h passé de 14 minutes dans nos studios, page internationale. Au Nigeria, l'état de Benue, le seul état agricole, est frappé par des inondations provoquant plus de 110 000 déplacés. Et au Kenya, après l'annulation de la présidentielle par la Cour suprême le 1er septembre, le président Kenya Uhuru Kenyatta a un double discours. Christelle Anizigama pour plus de détails. Au Kenya, c'est un vrai coup de tonnerre de la Cour suprême. La haute juridiction du pays a annoncé vendredi 1er septembre l'annulation de la présidentielle du 8 août et ordonné la tenue d'une nouvelle élection dans un délai maximal de 60 jours. Depuis vendredi, le président a un double discours. Dans un premier temps, il a annoncé accepter la décision et avait appelé au calme et à l'unité, ce qu'il a répété ce samedi avant de durcir le ton. Dans les rangs de son parti, c'est la même ambivalence. Les partis du jubilé sont calmes mais amers. Pour eux, les irrégularités mises au jour ne sont pas suffisantes pour annuler une élection, car elles ne prouvent pas la victoire de Raila Odinga le 8 août. Certains ont déjà dénoncé une décision à caractère politique. Le site de la Radio France Internationale écrit que les membres de la commission électorale voient une pression considérable peser sur leurs épaules. La commission est chargée d'organiser des élections avant la fin octobre, tout en attendant de connaître précisément d'ici 3 semaines les griffes retenues par la Cour suprême pour motiver sa décision. La commission devra aussi envisager de remplacer certains de ses membres, comme l'a indiqué son président, qui a exclu toutefois de démissionner. Uhuru Kenyatta a lui-même refusé tout remaniement en profondeur de cette commission. Toujours au Kenya, 7 morts, c'est le bilan de l'incendie survenu la nuit de vendredi à samedi dans un des dortoirs du lycée Moi, qui accueille les jeunes filles âgées pour la plupart de 14 à 18 ans pour filles près de la capitale Nairobi. Ces autres ont été transportés à l'hôpital, dont 2 dans un état critique en raison de leurs blessures. L'origine des flammes est pour le moment inconnue, mais la police n'écarte pas la piste d'un incendie criminel. Le gouvernement a déclaré que l'établissement situé dans le district de Kibela sera fermé pendant 2 semaines pour les besoins de l'enquête et les élèves renvoyés dans leur famille. L'état de Benue, au sud-est du Nigeria, connaît actuellement d'inquiétantes inondations provoquant déjà plus de 110 000 déplacés dans ce seul état très agricole. Une fois de plus, les autorités provinciales sont pointées du doigt. Comme nous le lisons sur le site de la BBC Afrique, les autorités nigérianes redoutent un scénario similaire à celui de 2012. À l'époque, une série d'inondations en chaîne avait touché 30 des 36 états de la fédération. Des centaines de vies humaines avaient aussi marqué les esprits. Déjà en 2012, l'état de Benue n'avait pas été épargné. Mustapha Maihaja a constaté la nécessité d'accélérer l'ouverture de camps humanitaires dès ce week-end. Voilà, à 13h passé de 17 minutes dans nos studios, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Jean de Dionda Isenga qui assurait la mise en onde. Pacifique Chubahiro qui vous présentait cette édition. Je vous souhaite une bonne journée de dimanche.